بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، c'est notre troisième cours autour de l'obligation de comprendre sa religion. وقفنا عند قول الشيخ صالح الشيخ حفظه الله: إذن التعلم له منهج، فبعد أن تتعلم ابدل العلم بقدر المستطاع. اللي حفظه الله تعالى l'apprentissage il a une méthodologie et une voie à suivre, et après que tu aies appris, il faut que tu enseignes selon tes capacités ce que tu as appris. يقول: ولهذا أنا أعجب من طائفة من طلبة العلم يتعلمون ولا يبدلون العلم. Et c'est pour ça, moi, mon étonnement ne s'arrête pas certaines catégories de demandeurs de science qui apprennent et qui n'enseignent pas, qui ne propagent pas. ابدل ما علمت بيقين علمته بأدلته وفهمته على العلماء والمشايخ الذله. Il dit: il faut que tu propages, il faut que tu enseignes ce que tu as, les sujets sur lesquels tu as la certitude, les sujets que tu as appris avec leurs preuves, que tu as compris directement des hommes de science, tu dois les propager, tu dois les donner, les partager avec les autres. يقول: فهل لابد أن تبدله في محاضرة في مسجد. Ils disent qu'il est obligatoire maintenant de le faire lors d'une conférence dans une mosquée. أو أن تلقي كلمة في مكان عام. Ou alors que tu le fasses dans un lieu public. ليس كذلك. تبدل العلم في بيتك. تبدل العلم في دعوة تجتمعون فيها على الخير والصلاح. تبدل فيها. تأتي فيها بما ينفع. هذا بدل العلم. أنت ومن معك من زملائك وأصدقاء وأصحاب. تبدل فيها العلم وتكون المجالس عامرة بالعلم والفقه في الدين. هذا من أعظم ما ينفع في الفقه وفي التبات عليه وفي علم ما لا تعلم. يدي حفظه الله تعالى à la question: est-ce qu'il est obligatoire que ce soit dans un lieu public, que ce soit sur une chaise ou là dans une mosquée? Dis non. Tu propages la science, c'est toi. Tu es invité quelque part à un repas, tu le fais. Tu propages le bien dans le lieu où tu es. Tu propages le bien pour que ça soit bénéfique, ça soit bénéfique aux autres aussi, pour que la réunion dans laquelle vous êtes soit une réunion bénéfique pour tout le monde. Tu propages la science et tu l'échanges avec tes amis, hein, avec ce que tu rencontres. Et dans toutes les assises, dans toutes les fois, dans toutes les occasions où tu peux, tu le propages ta science. C'est pas obligé que ce soit dans la mosquée ou lors d'une conférence. Pour que vos réunions, pour que vos assises, il dit Havidah Allah Ta'ala, soient pleines de science et de compréhension de la religion. Il dit ça, c'est ce qui est très bénéfique et c'est ce qui permet aussi à la personne que sa science reste dans son cœur. Il s'ancre en lui. Et يقول حفظه الله كذلك إذا عملت وعلمت ما علمت، الله سبحانه وتعالى يوريتك علم ما لم تعلم. يوسي ونجيسو أنسي، الله سبحانه وتعالى يتدل لسيونك سكتين وكوني با. يقول فهذا قد جرب، فإن الذي يبدل العلم يعلم ما لم يعلم، وهذا من فتح الله جل وعلا وإنعامه على عبده. Il dit ceci a été expérimenté, car celui qui propage la science, celui qui enseigne ce qu'on lui a enseigné, hein, celui-là il a la science qu'il ne connaît pas, il aura la science qu'il ne connaît pas, et ça c'est un bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala couvre ses serviteurs. يقول حفظه الله الثالث توحيد الأسماء والصفات. يقول توحيد الأسماء والصفات يدخل في علم العقيدة التي سيأتي بيانها بيانه الذي سيأتي بيانه فكتب العقيدة التي فيها بيان أركان الإيمان وما يتصل بذلك مختصة بشرح بيان توحيد الأسماء والصفات. يلدي حفظه الله تعالى. troisième point au niveau de la connaissance dans le monothéisme c'est le monothéisme de des noms et des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça, ça rentre dans la science des croyances sur laquelle il va y avoir d'autres éclaircissements quand il va parler. Il a dit l'éclaircissement des noms et la science des noms et des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans les livres de l'aqida dans lesquels il y a les éclaircissements sur les piliers de la foi et ce qui a rapport avec tout ça, et les livres aussi qui sont des livres écrits spécialement pour l'explication des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. يقول حفظه الله أما العقيدة فهي أعظم الفقه في الدين. التوحيد والعقيدة معا هي أعظم ما يتفقه فيه به في الدين. Il dit quant à l'aqida c'est la chose la plus importante dans cette religion. Il dit le monothéisme et l'aqida ce sont les deux choses les plus importantes dans cette religion. والعقيدة الكتب فيها كثيرة. Les livres concernant l'aqida ils sont très nombreux. Ce qui a été écrit à ce sujet-là est très nombreux. فهناك المتأخرين المعاصرين كتب متنوعة المشارب والمذاهب. Il dit en ce qui concerne les derniers et les contemporains il y a beaucoup de livres qui sont diversifiés. يقول وهناك كتب لعلماء السلف وهناك كتب متوسطة في القرون المتوسطة كتب ما بين القرن الثالث إلى القرن الثاني عشر هذه كتب مختلفة. وإذا il dit حفظه الله تعالى et il y a des livres aussi d'hommes de science parmi les plusieurs d'Allah عليه. Et il a dit aussi il y a des livres qui sont moyens tout dont entre le 13e et le 12e siècle de l'Égypte. Il a dit il y a beaucoup de livres et même dans certains livres il y a certaines perturbations, il y a des répliques dedans et des sujets très divers. يقول والذي يجب على كل من يريد الفقه في الدين وأن يطلب نجاته وأن يهتم بالعلم المورود في العقيدة عن سلف هذه الأمة. لما؟ لأن السلف صالح على علم وقفوا وببصر النافذ كفوا. Et il dit celui qui veut être sauvé et avoir une compréhension de la religion saine, il doit s'occuper des livres que nous avons hérités, les livres de l'Aqida que nous avons hérités de nos plusieurs d'Allah Alim, des plus aïeuls de cette communauté. Il dit pourquoi ? Parce que les plusieurs d'Allah Alim, toutes choses qu'ils ont fait, s'ils ont parlé d'une chose, ils ont parlé avec science. Et quand ils se sont arrêtés à ne pas traiter un sujet, ils l'ont fait avec science. Hein? Quand ils se sont arrêtés, c'est pas qu'ils n'avaient pas de la science. C'est leur science les a arrêtés là. Parce qu'il n'y a peut-être pas intérêt à traiter ces sujets-là. Et tout ce qu'ils ont fait, tous les détails qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec science et avec preuve. Comme a dit Ibn Mas'oud, كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنهم يعني الصحابة وسادة التابعين على علم وقفوا وببصار نافذ كفوا. يعني ما تكلموا فيه تكلموا فيه عن علم وما كفوا عنه لم يكفوا عنه لأنهم ليسوا بعلماء لأنهم تكلموا بعلم فيما تكلموا فيه وكفوا بعلم وببصر نافذ فيما كفوا عنه. Il dit comme il a dit Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warḍah, et comme il a dit aussi après lui Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah, que les compagnons et les premiers successeurs des compagnons, quand ils se sont arrêtés, n'ont pas traité un sujet, ils l'ont fait avec science. Et quand ils ont parlé de quelque chose, ils ont parlé avec science. Ils avaient une longue vision des situations. C'est-à-dire que toutes les choses qu'ils ont traitées, ils les ont traitées avec science. Et quand ils n'ont pas parlé de certaines choses, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la science, loin de là. Parce que, vous ne voyez pas qu'il n'y avait pas intérêt. Hein? Mais ils avaient la science plus que nos contemporains. Et donc, toutes choses qu'ils ont traitées, ils l'ont traitée avec science. Et quand ils se sont arrêtés avec clairvoyance et science. Et ils avaient une vision beaucoup plus large et beaucoup plus loin que nos contemporains. يقول حفظه الله ولهذا يجب أن يؤخذ الاعتقاد عن سلف هذه الأمة وعمن تبعهم من أئمة وعلماء الإسلام وكتب السلف واعتقاد السلف مدونة معروفة. Il dit, c'est pour ça qu'il est obligatoire de prendre les croyances des puiseurs de Allah عليه parmi cette communauté et de ceux qui les suivent à la perfection parmi les grands imams et les savants de cette communauté, les savants de l'islam. Et les livres d'Yal Salaf, les livres des croyances, sont, alhamdulillah, ils sont édités, ils sont connus. يقول لكن كمنهج مبسط لطلب العلم أول ما يبدأ به كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة ثم يليه الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ثم يليه الحموية أيضا لابن تيمية ثم يليه شرح الطحاوية أو متن الطحاوية مع شرح آل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى ويقرأ كل واحد على عالم أو يسمع الشريط فيها يأخذ منها ما تيسر وكل واحد يأخذ بقدر ما عنده من الاستعدادات والقرائح والفهوم. Il dit, mais comme une voix un petit peu simplifiée, le demandeur de science doit commencer avec, comme premier livre, Lum'at al-i'tiqad, Ibn Qudama rahimahullah. Et il va à une étape supérieure qui est l'Ouassatiyya de Cheikh l'Islam le Taïmien. Il va à une étape supérieure au niveau des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des croyances, Al-Hamawiyya. Et au-delà de Al-Hamawiyya, il va vers les interprétations de l'Aqida Al-Tahawiyya. Ou tout simplement le fascicule de l'Aqida Al-Tahawiyya, mais avec l'interprétation d'Ibn Abi al-Izz, Al-Hanafi, rahimahullah ta'ala. Tout ça, ce classement est un classement, c'est un effort d'interprétation. Donc, par exemple, pour ceux d'Afrique du Nord, il y a commencé avec Muqaddimat Abi Zayd al-Qarawani, qui traite aussi de la Aqida, hein, et qui est une Aqida d'Yel Salaf Ridwan Allah alayhi. Et il y a aussi celle de Ibn Zamani, qui est aussi une Aqida d'Yel Salaf Ridwan Allah alayhi. Et ainsi de suite. C'est les hommes de science. Et il dit, c'est les hommes de science dans ces titres-là, parce que ce sont les titres qui sont réputés. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre. Il est évident que l'aqida al-wasitiyya, c'est une aqida qui est très importante. Hein? Et il dit, chacun de ces livres, chacun de ces fins doit être lu sur un nombre de sciences. Hein? Ou alors écouter les interprétations des hommes de science. Et quand on a un problème, on revient vers les hommes de science. Et on prend ce qu'on arrive à prendre de chacun, selon les capacités et selon, hein, la capacité intellectuelle de tout un chacun de nous. Mais il faut toujours voir que l'apprentissage chez les hommes de science, c'est ça la règle. يقول وهنا مسألة مهمة في تعلم العقيدة وهي أن العقيدة والفقه فيها ليس سهلا وليس صعبا. ليس سهلا لأنه قد يدخل فيها بعض المباحث الكلامية التي يكون فيها رد على المبتدعة في القدر والإيمان والأسماء والصفات ونحو ذلك من المسائل. وليس صعبا لأن كل عقيدة كتبها أئمة الإسلام المتبعون للسلف الصالح هي مستقاة، بل دليلها النص من القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتم مسائل قليلة دليلها الإجماع. Il dit, حفظه الله تعالى, ici il y a un point très important dans l'apprentissage du dogme et des croyants. C'est que العقيدة et le fiqh, et le fait de comprendre l'aqida, c'est simple et c'est difficile. Il n'est pas simple et il est difficile parce que dans certains sujets, il y a certaines dissertations, certaines paroles de l'école de la spéculation, de l'école de la logique, dans lequel il y a certaines répliques à certains innovateurs, que ce soit au niveau du destin, au niveau de la foi en les noms et les attributs, et parmi ces sujets-là. Les hommes de science, quand l'école de la spéculation s'est ouverte, ils étaient obligés de leur répliquer. Donc on se retrouve avec des termes dedans pour répliquer à qui? À ces innovateurs, à ceux, à ces adeptes de l'école d'Yale, la spéculation, de la logique, de la philosophie, ou là à ces Qadarit, ou là à ces Jabrit, et ainsi de suite, parmi les innovateurs, ou là à ceux qui ont eu des égarements et au niveau des noms et des attributs d'Allah, soit ils ont dépouillé les sens, soit ils ont donné, ils ont changé les sens, soit ils ont annulé carrément les attributs d'Allah et ses noms, sauf certains, et ainsi de suite. Il dit, et ce n'est pas difficile non plus, car tout livre de croyance écrit par les imams de l'islam qui suivent la voie de leur plusieurs d'Allah alayhim, sa source, c'est la preuve, la parole d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et il y a des sujets qui sont peu nombreux, dont leur preuve, c'est le consensus. Yaqulu hafidhahullah, hadi al-aqida mujtamilatun ala aqsam. Il dit, ces croyances, les croyances et la science des croyances contient certaines parties. Il dit, al-qismu al-awwal bayan arkan al-iman sita. L'iman billah, wa malaikatih, wa kutubih, wa rusulih, wa l'yom al-akhir, wa al-qadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Il dit, le premier chapitre, le premier point, c'est que d'abord, ça traite les piliers de la foi, les six piliers de la foi, qui sont la croyance en Allah, la croyance en ses anges, la croyance en ses livres, la croyance en ses messagers, la croyance en l'au-delà, la croyance en le destin bon et mauvais. كذلك القسم الثاني ما يتصل بمنهج التعامل مع الخلق الذي بين به أهل السنة أهل البدع. كيف تتعامل مع ولاة الأمور؟ كيف تتعامل مع العصاة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف تتعامل مع الصحابة رضوان الله عليهم؟ كيف تتعامل مع أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن؟ ونحو ذلك من المسائل التي صارت مسائل عقدية، لأن أهل السنة باينوا فيها وخالفوا فيها فرق الضلال وجماعات البدعة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والرافضة إلى آخر أصنافهم. Il dit la deuxième partie, c'est que ce qui a rapport avec la voix, comment se comporter avec les gens. Et là, il dit sur cette voie-là, c'est ce qui fait la différence entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Comment se comporter avec les gouverneurs? Comment se comporter avec les désobéissants et les pervers dans le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal? Comment, quel comportement avoir vis-à-vis du compagnon de Mohammed alayhi salatu wasalam, radhiyallahu anhu? Comment se comporter, quel comportement avoir, quelle position avoir vis-à-vis des mères des croyantes, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée toutes, et d'autres sujets à ce niveau-là qui sont devenus des sujets qui sont rentrés dans les livres d'Al-Aqida. Pourquoi? Parce que les gens de la sunna ont pris une voie qui est différente des gens de l'égarement et des groupes de l'innovation, qu'ils soient le khawarij ou qu'ils soient le mu'tazila, l'école de la raison, ou qu'ils soient le murji'a, qui font que la foi, les actes ne font pas partie de la foi, ou qu'ils soient rafida et les autres catégories d'innovateurs. كذلك يقول حفظه الله القسم الثالث سمات أهل السنة والسلف الصالح في التعبد. Il dit la troisième catégorie et la troisième partie de l'enseignement de la Aqida, c'est la caractéristique et le comportement des gens de la Sunna et des puissants de Allah dans leur comportement, dans leur adoration. لأننا السنة في عقائدهم ليس كالنصارى وليس كاليهود في أن عقائدهم مناقشات عقلية لا أثر لها على السلوك. Il dit parce que les gens de la Sunna dans leur croyance, ils ne sont ni comme les Juifs ni comme les chrétiens, et ont leur croyance en main, c'est des débats, tout simplement, des dissertations de la raison, où il n'y a aucun comportement dedans. Contrairement aux gens de la sunna et à ceux qui suivent salaf, leur croyance, il y a implique un certain comportement digne de la voie. يقول لهذا تجد ابن تيمية رحمه الله في آخر الواسطية ذكر القسم الثالث وهو السلوك، فقال في وصف أهل السنة وهم مع ذلك يحضرون الجمعة والجماعات ويصومون ويقومون الليل ويتصدقون. C'est pour ça que ابن تيمية رحمه الله تعالى à la fin de العقيدة الواسطية il a parlé de cette troisième partie dans l'étude de العقيدة qui concerne le comportement et la voix. Il a dit dans la description des gens de la Sunna, et avec ça, les gens de la Sunna, en accomplissant tout ce qu'il a dit dans sa Aqidah Wasitiyah, il a dit, et avec ça, ils vont prier avec les musulmans. Et ils assistent au Jumu'at avec les musulmans. Et ils jeûnent, ils accomplissent les prières de nuit, et ils s'acquittent, ils donnent la charité. Wa ila akhiri ma ja'a fi kalamihi. ما معنى هذا؟ معناه أن أثر العقيدة مكمل لحقيقة العقيدة. Et jusqu'à la fin de ce qui est arrivé dans les paroles d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh dans la fin de l'Aqidah al-Wasitiyah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'impact, le fruit de l'Aqidah complète l'Aqidah de la personne. Vient en complément. Si tu as une Aqidah saine, il faut que ça se voit dans tes adorations. C'est le fruit. Et ça complète ta aqida. يقول هذا ما يتصل بالقسم الأول وهو الفقه الأكبر الفقه التوحيد والعقيدة ودين الإسلام. Il dit voici ce qui a rapport avec la première partie de la jurisprudence qui est la grande jurisprudence qui a rapport avec le fait de comprendre le monothéisme, les croyances et la religion de l'islam. يقول أما القسم الثاني وهو الفقه المعروف بفقه الفروع وهو المبتدئ بالطهارة إلى كتاب الإقراض. هذا الفقه أيضا مهم ومنهجية الطلب فيه أن يتدرج طالب العلم فيه بحسب ما تدرج فيه العلماء. دي كونت لا دوزيام بارتي لا دوزيام بارتي دو لا دو فقه سي سكو كوني سكو نابيل الفقه الفيت دو ايتيدي لي ديتاي دو لا ريليجيون. Et les livres, le fiqh en général, il commence avec quoi? Avec le chapitre, la purification. Et après la prière, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, le livre, il y a tout dedans, le livre, le jihad, il y a le livre, le commerce, et ainsi de suite, le mariage, tout est contenu dedans. Hada al-fiqh aydan muhim. Et cette science aussi, qui est la jurisprudence, est très importante. Et aussi la voie et la méthodologie dedans, c'est que le demandeur doit évoluer comme ont évolué, comme on l'a étudié en évolution les hommes de science. هذا الفقه مهم جدا ومنهجيته منهجية الطلب أن يتدرج طالب العلم فيما فيه بحسب تدرج ما تدرج فيه العلماء. Donc il doit le prendre par étape. Si tu vas dans un sujet et tu commences déjà dans un livre où il te donne trois divergences de la situation, tu es perdu. Tu es perdu. Ça n'a pas quoi faire. Parce que tu n'as pas commencé par là où il faut commencer. Il faut commencer par, d'abord, une situation dans laquelle on a une seule voix sur le sujet. Et tu évolues ainsi. Après ta rêve, et tu étudies, tu vas te rentrer dans des livres qui te donnent deux voies. L'autre, il t'amène à trois, quatre, plus. Mais avant, tu ne vas pas dans les grands. Ou tu ne vas pas toucher. Tu ne vas pas savoir comment faire avec les divergences des hommes de science. Comment agir quand tu as deux cas, trois cas, quatre cas. Comment faire? Donc, il y a une évolution à suivre. Il y a un biaba. Et il y a des règles avant de s'aventurer, avant de tomber sur sa tête et se fracasser le dos. يقول واضرب لكم مثلا على هذا التدرج فيما صنفه العلامة الحافظ عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي صاحب كتاب المقنع وكتاب المقنع والكافي والعمدة والمغني وكتب أخرى كثيرة. لما ألف كتبه في الفقه جعلها مرتبة على المنهج، فجعل العمدة للمبتدئين وجعل المقنع بعده للمتوسطين وفوق المقنع الكافي لبداية المنتهين، ثم بعده لأجل الاجتهاد جعل كتاب المغني. Il dit, Habdallah, je vous donne un exemple. Il prend un exemple dans le fait d'évoluer dans la demande de la science. Il a dit, cet exemple, il le prend directement dans ce qu'a laissé comme héritage le Hafid Abdullah ibn Ahmed ibn Qudam al-Maqdisi, rahimahullah. Il a écrit le livre le Muqna, il a écrit le Kafi, il a écrit le Umda, il a écrit le Mughni, en ce qui concerne la jurisprudence, et d'autres livres. Et quand il a écrit ces livres, il les a fait par rapport à l'évolution. Il a fait que pour les novices, les premiers qui débutent, l'Umda. Il a fait que le Muqna, c'est pour ceux, la classe moyenne, pour les moyens. Et le Kafi, et le Muqna et le Kafi sont pour ceux qui sont déjà arrivés vers une acquisition de science, ils sont arrivés déjà à un but. Quant à Al-Mughni, il est tout simplement pour qui? Pour les gens dignes de l'effort, pour les hommes de science. C'est une référence. C'est pour ça que quelqu'un rentre dans le Mughni, il sort, il lui faut 3 boîtes de Feralgan. Parce que il est rentré dans quelque chose qui n'est pas de son domaine. Alors s'il rentre dans quelque chose qui est de son niveau, il ne sera pas fait mal à la tête. Hada, c'est un truc, il fait maintenant au niveau du pays de l'Arabie Saoudite, au niveau de la voie d'El Hanabila. Au niveau de la voie d'El Malikia, il y a aussi d'autres moyens, d'autres livres. Par exemple, Risala de Ibn Abi Zayd al-Qarawani. La Muqaddima, c'est dans l'Aqida. Risala, il concerne ceux qui débutent dans l'apprentissage de l'fiqh. Et ainsi de suite. Et dans les autres écoles de jurisprudence, il y a aussi. Hein? C'est pour ça, ne t'étonne pas que d'un savant à un autre, que les livres sont différents. Mais quand tu les regardes, tu les compares, tu vois que tout un chacun te donne la même méthode. C'est-à-dire le livre avec lequel doivent commencer les débutants, le deuxième avec des moyens, et ainsi de suite. Hein? Ça revient au même. Yaqul. وهذه المرحلة مهمة كتاب العمدة تميز بأنه كتاب مختصر فيه مسائل قليلة في كل باب وفي كل باب يذكر أصل الباب من الكتاب ومن السنة ولا يذكر الخلاف لا الخلاف العالي ولا الخلاف النازل ولا يذكر طبعا في ذلك خلاف المذهب والرواية إلا ما ندر جدا ici nous parle de l'école des Hanbalites et il dit cette étape est très importante le livre de l'Umda. Il a une particularité, c'est que c'est un résumé. Et dans chaque chapitre, il a cité peu de sujets. Il te ramène directement au but. Et dans chaque chapitre, il a cité la source, c'est-à-dire la preuve du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète. Mais il ne cite pas les divergences, ni la grande divergence, ni la petite divergence, il ne cite rien. Et il ne cite pas la divergence qu'il y a dans, à l'intérieur de la voie, c'est-à-dire à l'intérieur de l'école de jurisprudence, Hanbalit. Il ne cite pas les différentes versions dans la voie de Chil Hanabila, sauf dans peu de cas qu'il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a pris en considération le débutant. Et avec quoi il doit commencer? Il ne doit pas l'encombrer pour qu'il ne patauge pas. Et tu vois que Had, la méthodologie et les pédagogies, etc. C'est pas une naissance d'elle le monde occidental. C'est des choses qui existaient depuis déjà l'aube de l'islam. Hein? Depuis l'aube de l'islam, ils existent. C'est les hommes de science. Hein? Et donc, et ceci, c'est la même chose. Ce qu'il nous a cité ici concernant la voie d'elle Hanabila. Tu trouves la même chose chez dans les autres écoles de jurisprudence. فعلم طالب العلم كيف يتعلم لكن يبتدئ بكتاب مطول متى ينتهي منه والبحر إذا كان عميقا ولم يحسن المرء السباحة فإنه يتأدى وقد يغرق ويتخلف عن ركب العلم لهذا تبتدئ بالعلم بالعمدة شيئا فشيئا ثم بعد ذلك تقتنع إلى المقتنع إلى المقنع. Il dit حفظه الله تعالى إيه Ainsi, le demandeur de science apprend comment apprendre la science, comment commencer. Parce que si elle commence avec un livre lent, quand est-ce qu'il va le terminer? Quand est-ce qu'il va arriver au bout? Il dit, le sillon, il est profond. Et celui qui ne sait pas nager, il risque de se noyer. Hein? Et il ne sera pas dans l'assemblée des demandeurs de science, ni dans l'assemblée des hommes de science. Parce qu'il n'a pas pris le chemin. Hein? Il dit, c'est pour ça qu'il commence avec l'umda. Petit à petit, après, il évolue vers le muqni'. لذلك يقول المقنع مرتبة ثانية أو مختصرات المقنع وما جاء عنه مرتبة ثانية. لماذا؟ لأنه جعل المسائل أطول قليلا ويذكر في بعض المسائل الخلاف ليمرن طالب العلم الخلاف في المذهب. يقول في هذه المسألة روايتين وفيها وجهين، يمرن طالب العلم على بعض مسائل الخلاف. Il dit le مقنع c'est le deuxième degré et les résumés ديال المقنع sont un deuxième degré. Hein? Pourquoi? Il dit parce que le muqni', les sujets qui vont être traités sont encore plus longs que l'umda, un peu plus long. Et donc il va évoluer. Et dans certains sujets, il va citer certaines divergences pour entraîner les demandeurs de science à la divergence dans le madhhab. Il est cité dans tel sujet, il y a deux versions, il y a deux cas de figure. Et ainsi, le demandeur de science, il s'entraîne sur le sujet d'Yal Khilaf. Il dit, le martabatu talita, fi kitab al-kafi, tajidu annahu fi sharhi lil-fiqh, ja'ala al-kitab awsa' min al-muqna, wa ja'ala al-khilaf fihi bi-a'la, wa yadhkur 'iddat riwayat, fi akthar al-masa'il wal-awjuh, wa rubbama dhakara khilaf ghayr al-madhhab 'ala nudratin. ويذكر أيضا الأدلة التي استدل بها علماء المذهب. Il dit le troisième degré, c'est le kitab ديال الكافي, le livre ديال الكافي, tu trouves dedans l'interprétation ديال الفقه, mais il a fait que ce livre soit plus large et plus grand que le مقنع, que le deuxième degré, pour qu'il devienne un troisième degré. Et les divergences dedans vont être un peu plus hautes. Il va citer beaucoup de versions et beaucoup de points dans le même sujet et beaucoup de cas de figure. Et des fois, il cite même les divergences qu'il n'y a pas dans l'école Hanbalite. Il va la chercher dans d'autres écoles. Mais il ramène aussi les preuves des hommes de science du chaque de l'école de jurisprudence de laquelle il a été chercher un sujet pour le mettre dans le kafi. يقول ثم في المرتبة الأربعة الرابعة هي للمجتهدين المغني وفيه أكثر المسائل والخلاف العالي والنازل والأدلة ومحتج به الحنابلة ومحتج به أصحاب المذاهب الأخرى. Au quatrième degré, ça c'est pour les mujtahidin, pour les hommes de science dignes du nom, ceux qui font des efforts, ceux qui ont l'outil pour faire des efforts, c'est le livre d'Yel Mourni. Il y a beaucoup de sujets dedans, beaucoup de divergences dedans, d'autres divergences, de moyennes divergences, etc. Et les preuves qu'ont pris le Hanabila et les preuves qu'ont pris les autres écoles de jurisprudence au niveau des sujets. Ceci est énorme. يقول الشيخ هذا يعطيك منهجية لأن عددا من طلاب العلم رأوا أن الفقه طويل فأخذوا يجمعون الفقه عن طريق الفتاوى. يقرأ فتاوى العلماء ويجمع فتاوى المشايخ ويبدأ يقرأ هذا يحصل فقها ويبدأ يقرأ هذا يحصل فقه. الفتاوى تطبيق للفقه على النوازل. الفقه أكمل وأشمل وأعظم من الفتوى لأنه قبل التطبيق بعد ذلك رعاية الواقع في الفتوى. هذا تطبيق للفقه على الواقع وتنزيل له على المسألة. دي سيت فوا كي لا دوني سيت ميثودولوجي كي لا دوني سيت دون اون ايدي سور لا فوا ا سويف دي باسكو بوكو دو دوموندور دو سيونس فوا كو لو لا جوريسبريدونس اي لونغ. Ils ont commencé à réunir le fiqh d'où? Par la voie d'Yel Fatwa, par la voie des verdicts des hommes de science. Ils lisent les fatwas des hommes de science. Ils réunissent les fatwas des hommes de science. Et ils commencent à lire. Ceci ne ramène pas à une jurisprudence et à un fiqh. Car le fatwa, c'est une application de la jurisprudence sur un événement ou là sur un problème. Et le fiqh, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que le fatwa. est plus important que le fatwa. Le verdict, c'est claquer la jurisprudence sur un événement bien particulier, sur une situation bien particulière. Quant à le fiqh, il est beaucoup plus énorme, plus vaste que le fatwa. Parce que c'est avant la mise en pratique. Et dans le fatwa, il faut prendre en considération la réalité de la situation. Et ça, c'est l'application du fiqh sur la situation donnée, ou la situation sur laquelle est, ou sur le problème qui concerne la question, qui est dans la question qui est posée. يقول لهذا لا يمكن أن يحصل العلم ويسير في منهجية من يقرأ الفتاوى فقط ولكن الفتوى مساندة للطلب المنهجي سواء في التوحيد الفتاوى في توحيد العبادة في العقائد أو في الفقه فإنه تسانده لأنه يصل للمرء التدريج ويحصل لطالب العلم معرفة بحكم العلماء في الواقع اللي ne peut pas obtenir la science du sans avoir suivi une méthodologie. Et celui qui lit le fatwa, tout simplement, n'arrivera pas à acquérir une science. Parce que le fatwa, s'il appuie, il va t'aider dans ta demande de la science, dans ta voie. C'est-à-dire, quand tu as lu les livres de Tawhid, là, tu rentres dans le fatwa de l'Aqida. Donc, les questions qui sont posées par les gens vont t'aider à ancrer encore plus et à comprendre mieux ce que tu as appris dans les livres d'Yel Tawhid ou dans les livres d'Yel Aqida. Il en est de même pour les adorations et pour la jurisprudence. Ce que tu as appris, en regardant dans les fatwa des hommes de science, cela va te donner une largesse aussi. Et ça va te permettre aussi de capter encore plus la compréhension et la voix des hommes de science. إذا تبين ذلك فهل هذا الذي ذكرت مما يختص به طلبة العلم لا هل هذا ما يخاطب به إلا العلماء وطلبة ممن يعلم ويتعلم على هذه المنهج لا يمكن أن تتدرج أنت حتى أفراد الأسرة يمكن المرأة الأم أن تدرج أيضا إذا تعلمت من عندها على ذلك وليس من اللوازم أن تبدأ بكتاب تشرحه كلمة كلمة ولكن الفقه والتفقه يكون بأن تمشي شيئا فشيئا على نحو ما مشى عليه العلماء تأخذ في كل باب أصول المسائل التي تنفع من تريد تعليمه دي كنت la situation est devenue claire sur ces voies sur la méthodologie ce que nous avons cité dit ceci est-ce que ceci concerne tout simplement les demandeurs de science Cheikh il dit non ça ne concerne pas tout simplement les demandeurs de science et les hommes de science. Là, tout un chacun qui veut apprendre, il faut qu'il ait cette voie-là. Il faut qu'il prenne cette évolution dans l'apprentissage. Même toi, avec ta famille, tu évolues avec eux dans leur apprentissage. Et la femme, la mère aussi, tu évolues, l'amène avec les petits trucs pour la ramener vers la compréhension des situations et la compréhension de choses beaucoup plus grande. Mais tu commences toujours avec le biaba à tous les niveaux. Que ce soit avec ta femme, tes enfants, la maman, etc. Il n'est pas obligatoire que tu commences un livre du début jusqu'à la fin au niveau de l'interprétation, l'explication de mot par mot. Mais la compréhension de la religion se fait que tu le fasses étape par étape selon la voie qu'ont pris les hommes de science. Et dans chaque chapitre, tu prends les fondements du chapitre pour que tu sois bénéfique pour ceux à qui tu veux enseigner. Si tu n'as pas les fondements de chaque chapitre, comment tu peux être bénéfique à quelqu'un à qui tu veux enseigner? Hada, c'est une voie. Il y a une autre voie qui est différente, qui est la voie du hadith. Et là aussi, c'est une évolution. Conseil à Oudet l'Akhan, aux débutants. Et après, ils vont vers Boulour al-Maram. Et au troisième degré, vers le Muntaqa. Muntaqa al-Khbar avec son explication. Oudet l'Akhan, il a beaucoup d'interprétations. Notamment l'interprétation de Cheikh Uthaymeen, rahimahullah. L'interprétation الشيخ عبد الله البسام رحمه الله. بلوغ المرام l'interprétation de Cheikh Ibn Baz, l'interprétation de Cheikh Al-Uthaymeen, l'interprétation de Cheikh Abdallah Al-Bissam en 8 tomes et d'autres. Il a une interprétation qui est très importante, mais il demande à d'avoir des fondements. C'est Subul Salam de l'imam Sana'ani rahimahullah. Il y a هذا المنتقى منتقى الأخبار qui a été expliqué par, qui est une réunion de hadith du grand-père du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, expliqué par l'imam Shoukani rahimahullah. Ça, c'est une autre façon, c'est la voix des gens du hadith. Mais il y a beaucoup de livres. Les méthodes sont différentes d'une école à une autre. Hein? Et il n'y a aucun mal que le fait que la personne puisse apprendre le fiqh sur une école de jurisprudence. Le mal ne réside pas là. Que la personne prend sur la voie d'Al Malikiya, ou là sur la voie d'Al Hanabila, ou là sur la voie d'Al Shafi'i. Le problème, il est dans le fait de ne pas être sectaire. Il ne faut pas être sectaire. Il faut, une fois que la preuve est arrive, même si la preuve est contre l'école de jurisprudence que t'as, sur laquelle, hein, dans laquelle tu as évolué, tu dois laisser l'avis de l'école de jurisprudence et tu dois prendre la preuve. Le hic, il n'est pas dans les écoles. Lui qu'il est en nous, dans notre sectarisme. Sectarisme n'est pas à avoir lieu. Du moment que le hadith est authentique, même si tu as appris sur la voie d'Al Malikiya, il n'y a aucun mal. Il est à ton avantage et à ton honneur de délaisser la parole d'Al Malikiya et de prendre le hadith, parce que les grands imams, ils disaient, quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Hein? يقول حفظه الله فمثلا شاب إذا راهق وصل إلى الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر تم أحكام لابد له أن يعلمه إياها والده أن يعلمه إياها والده أو أخوه الأكبر ولا حياء في الدين. كذلك البنت المرأة إذا ناهزت الاحتلام أو قربت تم أحكام لابد لها أن تتعلمها كيف تصلي كيف تظهر أيها أيضا الولد كيف يحافظ على الصلوات أوقات الصلاة وأشبه ذلك الطهارة الاغتسال. Il dit, elles apprennent les jeunes, qu'ils soient filles ou garçons, quand ils arrivent à 13-14 ans, ils dépassent à l'adolescence, 13-14 ans, 15 ans, il a dit certaines lois les concernent, qu'ils doivent apprendre. Donc il est obligatoire au père ou au grand frère, il n'y a aucune fausse pudeur dans l'islam, de lui apprendre certaines choses dans la religion dont il a besoin. Il en est de même pour la fille. Quand il arrive à l'âge de puberté, il commence à... Sa mère la sent qu'il commence à arriver à l'âge de la puberté, où il est dedans, où il s'y rapproche. Il y a certaines choses qui la concernent, qu'il doit apprendre. Hein? Comment faire sa prière? Comment se purifier? Hein? Comment savoir qu'il est sorti de ses menstrues, etc.? Et comment l'enfant aussi doit préserver la prière, les horaires de prière, et ainsi de suite. Ce qui concerne la purification, l'irtissal et autres. Et tout ceci, vous allez tous être des darons, c'est votre responsabilité. Et donc, pour pouvoir le donner, il faut l'apprendre. Faïdan, ta'allum la budda an yakun ala mustawa man ta'allam. Kadalika fi tawhid, la budda fi min al-bath wa ta'lim, fi la budda an yakun shay'an fa shay'an. Donc, l'apprentissage, il faut qu'il soit au niveau de celui qui apprend. On ne fait pas supporter les gens aux gens qui ne peuvent pas. Il en est de même dans le monothéisme. Et dans le fait d'enseigner le monothéisme, ah, tu donnes étape par étape. Tu ne charges pas les gens avec des sujets qu'ils ne peuvent pas supporter, qu'ils ne peuvent pas capter, qu'ils ne peuvent pas comprendre. يقول أريد من هذا والوقت قد أزف أن ضرورة التفقه في الدين ضرورة ملحة ويجب أن يعلم إنها ليست خاصة بطلبة العلم بل لا بد أن نشيع العلم بيننا في بيوتنا ومع النساء ومع الأطفال. النساء منهم كثير ربما راجع عليهم كلام بعض المشعوذين أو بعض القراء أو كلام النساء في مجالسهم وربما دخلوا في أشياء في التوحيد وفي القراءات وفي الرقية إلى آخره مما ينكر. Il dit حفظه الله تعالى Je veux alors que le temps est très court que l'obligation de la compréhension de la religion est obligatoire. Quelque chose de très important. et qu'il est obligatoire qu'on sache que ça ne concerne pas tout simplement les demandeurs de science, mais que la science doit se propager entre nous, dans nos maisons, chez nos femmes, chez nos enfants. Il dit beaucoup de nos femmes, hein, gobent les paroles des charlatans ou certains récitateurs, ils gobent leurs paroles. Certains récitateurs qui ne suivent pas la voix de leur plusieurs dans l'âme, ils captent les gens par le fait de leur récitation. Et des fois, hein, ils éjectent leur venin et certaines ambiguïtés. Et les femmes aussi, entre elles, attrapent des ambiguïtés entre elles et des choses qui sont fausses. Le poma, et peut-être qu'ils ont des problèmes dans le monothéisme et dans la façon de lire le Coran aussi. Ils ont Ruqya et autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à son épouse, à sa soeur, etc. Voir. يقول لهذا أنا أوصي الجميع بالإقبال على العلم بأن يحرص الجميع على نشر العلم والكلام في العلم. Il dit c'est par ça moi, c'est-à-dire Cheikh Salah Al-Sheikh, dit je conseille à tous d'apprendre et de s'orienter vers la science. Tout un chacun doit tenir à apprendre et à propager la science et à parler autour de la science. يقول ومن القصص التي تروى في ذلك أن أحد العلماء أراد أن يرحل عن بلد فجهز نفسه وجهز راحلته وأتى منصرفا عن البلد يرحل عنها بعد أن سكنها مدة طويلة. Il dit, et parmi les histoires qui se racontent, c'est un homme de science a voulu quitter son pays pour l'apprentissage. Et il a préparé sa monture, il s'est préparé, etc. Puis il a commencé à quitter ce pays dans lequel il a vécu beaucoup de temps. فلما أتى على بوابة البلد وأراد يشتري بعض الحاجيات له في سفره من الأكل ربما أو بعض البقول وأشياء يحتاجها معه وقف فيد البائعان يتباحثان في مسألة من مسائل العلم. Et ce moment-là, quand il est arrivé à la porte de la ville, il a voulu acheter quelque chose, hein, un peu de nourriture, hein, nourriture, dattes, etc., qui peuvent, hein, lui être utiles durant son voyage. Il s'est arrêté devant un magasin et il a vu que deux commerçants sont en train de débattre sur un sujet de la science. بيع البقول هذا يبحث مع هذا هل النية تتجزأ أو لا تتجزأ وهذا يناقش. Et le vendeur de légumes là, il débat avec un autre sur le sujet de est-ce que Nia se morcelle ou la se morcelle pas. On peut porter rentrer beaucoup de choses dans une seule intention ou pas. Ils débattent entre eux, alors que c'est des commerçants de légumes. فقال سبحان الله بلد فيه البقالون يتناقشون في العلم أو يبحثون في العلم أتركها لا والله لا أتركها فرجع. Il dit gloire à Allah, un pays où les vendeurs de légumes débattent de la science, ils font des recherches dans la science, je vais la laisser, par Allah je la laisse pas. Il est revenu. Mais regardez maintenant nos épiciers maintenant de quoi ils te parlent. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. يقول وهذا من صميم القلب لأنه يعلم معنى العلم وإنما الرحمة هي بالعلم في بيوتكم وفي جلساتكم. Il dit ça c'est quelque chose qui est sorti du cœur parce qu'il savait ce que ça veut lui dire la science et que la clémence vient de la science dans les maisons et dans les assises. يقول وكلما نشر العلم في المساجد يتعلم طالب العلم ويتعلم في المجالس ويتعلم الفارغ الذي ليس عنده من الشغل ما يشغله ويتعلم الناس هذا فيه إشاعة للخير وفيه إشاعة لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. Il dit tant que la science se propage dans les mosquées, tant que des demandeurs de science demandent la science, il la propage dans les assises, tant que celui qui n'a rien à faire demande de la science, tant qu'il n'est pas préoccupé, il n'y a rien qui le préoccupe, il demande la science et il apprend. Et il apprend aux gens. Il dit ça, il y a dans le fait de propager le bien, dans le fait d'accomplir des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Il dit, « Wa li hada, i'lam, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ita bil'ilm, wa innama warrata al'ilm, wa alayna al-iqbalu ala al-tafaqhi fi al-din, wa anna akhuda dhalika ala a'zami ma yajib. » dit c'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a été envoyé avec quoi? Avec la science. Il a donné comme héritage quoi? La science. Il dit c'est pour ça que nous devons accourir vers la science et tenir à la science et à la compréhension de la religion et que nous prenons ça fermement. Nous donnons l'importance à ça, à l'apprentissage et à la compréhension de notre religion. يقول في الختام حفظه الله تعالى إيدي على فان وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يمنحنا الفقه في الدين والإقبال عليه والتفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هدي سلفنا الصالح إنه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله لكم جزاكم الله خيرا